Et c'est, écoute, pour ceux qui connaissent pas, 70 millions d'exemplaires vendus, 50 langues sans jeu de mots, parce que c'est un espèce de roman harlequin, puis tu m'arrêtes si t'es pas d'accord, c'est un espèce de roman harlequin, mais avec une twist particulièrement sexuellement nouvelle et bizarre, c'est-à-dire, le gars fait signer une entente, le personnage principal, 26 ans, Christian Grey, jeune milliardaire hallucinant, donc, tu sais, qui n'existe que dans les livres, avec une petite étudiante naïve qui fait une entrevue au début, puis finalement, il trippe dessus et tout. Puis là, il y a une histoire, disons-le, un peu perverse. Il fait signer une entente disant, écoute, moi, je suis pas juste capable de, je peux pas, là, faire un suppôt chandelle, puis après, on s'en va, puis on se colle, garde. Moi, j'ai une chambre avec, je vais t'attacher, le contrat, t'es-tu d'accord que ça va être de même, etc., blablabla. Bla, bla. Et nous autres, les gars, de notre côté, on essaye, c'est tellement phénoménal, parce que c'est un livre de filles. On essaye de dire, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qu'on peut apprendre? C'est quoi le baromètre de ça par rapport à la fille en 2013? C'est quand même nouveau tout ça. Et je sais que Sylvain a une théorie qui rejoint un peu ce que je pense. C'est que, puis tu te souviens, Sylvain, on en a parlé cet été abondamment, tu soutiens que les filles sont rendues des gars. Et que les gars sont rendus des filles. Et que ce genre de roman-là, il y a peut-être 10 ans de tout ça, ça aurait probablement pas pogné autant. Parce que sexuellement, les filles étaient pas aussi ouvertes que ça, ou avaient pas la permission d'être ouvertes à ça, etc. Mais je continue aujourd'hui à me demander exactement qu'est-ce qui fait le secret de ce livre-là. Alors, moi, ma théorie, c'est ça. Les filles sont rendues des gars, puis il y a quelque chose avant qu'on aurait associé juste à une sexualité. Mais par là, ce que je veux dire par là, c'est plus cul. Plus sexe, plus porno. Avant, c'était plus l'amour, les sentiments. Mais oui. Mais pis ça, c'est un peu relié au fait, je vais m'expliquer, vous allez le comprendre justement avec le gars-fille. Un gars dans sa vie, là, qui passe son temps à, comment je pourrais dire ça, à dominer. OK? Oui. Prenons l'exemple de Max, comment il s'appelait le gars de la F1, là? Max Mosley, OK? Ils l'ont pogné dans un bordel. Le gars, c'est un homme hyper puissant, tout ça, etc. Qu'est-ce que tu penses qu'il faisait dans le bordel? Il se faisait fouetter par des putes déguisées en louves nazies, OK? Et les psys, à l'époque, avaient expliqué que c'est un fantasme courant chez des gens qui sont hyper puissants, rendus au lit, de faire un peu l'inverse, d'être dominé. Alors, Mosley, lui, se faire fouetter par des femmes, ça l'excitait bien gros. Aujourd'hui, les femmes, je pense, dominent dans la société. On est en vie d'une société power femelle, que vous le vouliez ou pas, c'est comme ça depuis environ 10 années. Vous avez l'avantage dans à peu près tous les domaines. Il vous reste le domaine financier, puis je pense que dans 2-3 ans, ça va être réglé, là. Fait que vous avez l'avantage partout. Donc, que vous succombiez à des fantasmes de soumission, c'est tout à fait normal. Parce que c'est vous qui renez la société en 1900, même en 80, alors que la femme était encore généralement un peu soumise à l'homme. Ben, prenons 70, là. Ben, le fantasme de soumission chez la femme au lit aurait été moins fort parce qu'elle l'était dans sa vie de tous les jours. Si elle est soumise le jour, ça ne tente pas d'être soumise la nuit. Si elle est dominante le jour, elle va peut-être être soumise la nuit. C'est un peu ça que, tu sais, puis avant, c'était peut-être l'inverse un peu. C'est intéressant, mais toi, Catherine, tu penses quoi de ça, sérieux? T'es une fan. Dieu. C'est quoi la raison? Est-ce que il y avait quoi là-dedans que tu trouvais qui était pétillant au point de t'accrocher? Je sais que les filles lisent ça puis s'écrivent entre elles en disant, t'as pas vu ce qu'il a fait, mais on n'arrive pas à comprendre. Bon, il y a le côté harlequin, là, qui, je sais, qui a fait débarquer beaucoup de personnes autour de moi. Ça, ça fait comme, ben voilà, voyons donc, là. Ça a pas de bon sens, ce bout-là. Je pense qu'une partie qui a tenu mes copines là-dedans, c'est le côté plus croustillant, le côté 3X de l'histoire. Mais okay. Je pense que plusieurs filles ont trippé là-dessus, notamment parce que le gars, il est très gars. Parce que la soumission, c'est pas tant ça, hein. Il y a ça, lui, ça, c'est son trip, mais elle embarque pas là-dedans à fond, là. Pas du tout. Elle essaie de le comprendre, mais tu sais, elle va beaucoup plus loin dans la psychologie plutôt que de rester en surface sur les trucs sexuels, mais un gars. Un gars qui sait où qui s'en va, un gars qui prend le lead. Puis elle est très rebelle, tu sais. Elle tient tête et tout. Ouais, mais là, tu viens tellement d'illustrer le grand paradoxe de la société. Là. Ouais, mais parce que je sais, vous n'avez pas arrêté de nous rabattre les oreilles. C'est nous, ça, le, quand je parlais des contrats. Et pas nécessairement les filles qui ont lu le livre. Oui, mais beaucoup de filles ont commencé à nous dire, faut que vous fassiez la vaisselle, puis ayez pas peur de vous habiller en rose, puis viens écouter des films d'émotions, puis parle de tes émotions, puis n'ayez pas peur de broyer devant moi. Mais dans le fond, dans le fin fond de vos tripes, là, c'est Christian Grey qui vous fait triper, puis puis qui vous fait, okay, qui vous excite. Mais en quoi donc, le fait de ta vie en rose d'écouter tant... des films de filles, puis tout ça, ça fait de toi un mâle moins viril. Vous nous avez ramolli. Mais c'est peut-être dur à suivre. C'est peut-être dur à suivre. Non, mais ça, je comprends parfaitement ce que vous dites là. Mais là, tu sais, ça s'est fait là sur des années, des années, des années. Les filles qui ont lu le livre et qui ont trippé là-dessus, ce sont pas elles qui ont demandé d'avoir des hommes roses. Tu comprends? Non, mais le elles livre. Elles veulent avoir des hommes forts, des hommes le qui succès. Tiennent debout, des gars qui sont sûrs d'eux-mêmes, mais des gars qui vont être tout aussi impliqués dans la vie de tous les jours à la maison. Ah, ça devient difficile, là. C'est fou. Parce que nous autres, les filles, on n'a pas trouvé ça difficile dans les derniers temps, qu'il faut être à la fois une femme indépendante, parce qu'il faut surtout pas... Tu sais, si on reste à la maison, ben là, on est vu comme étant des filles qui sont à la merci de leur mari. Tu sais, nous autres aussi, les filles, on cherche là-dedans. Non, mais c'est la maman d'année. On va décrire une soirée là, idéale, selon vous, puis ça commence à être difficile à suivre. Je soupe avec une fille chez nous, là. Puis là, j'ai mis le petit tablier, puis j'ai fait à manger, puis j'ai fait la vaisselle, puis on a écouté un film romantique, puis rendu au lit, c'est rendu, ah ouais, crisse-moi une bonne claque, puis ah ouais, puis domine-moi. Attends un petit peu, là! Là, pendant 3 heures, fallait que je sois doux, gentil, puis je pleure, puis je braille, puis je m'émeut avec des donne des fleurs, puis là, rendu au lit, c'est, ah ouais! Que... Je veux pas... Non, mais je ne même pas, moi. Tu as entièrement raison. Puis c'est dur à suivre, vraiment... on est capable de le faire. Oui. C'est pas qu'on n'aime pas, pas ça. Qu'on est... C'est tout dur à suivre. Tout pris séparément, là, ce que tu viens de décrire là, qui est même pas une caricature, là, t'as 100% raison. Tout pris séparément, à peu près tous les gars de la Terre sont capables. À défaut que tout t'intéresse, ça se peut que quelqu'un aime pas cuisiner, mais il est capable. Ça se peut que quelqu'un soit pas du genre sexuellement plus rough, mais il est capable. Mais quand dans la même soirée, tu sens qu'il y a un baromètre, puis il y a une étude qui est faite, à savoir, est-ce que là, j'ai mis mon baromètre là dans l'eau, là, puis quand je dis ça de mon thermomètre, quand j'ai sorti la fille, c'est comme si elle te regarde en disant, ah, là, t'es un petit peu trop chaud. Là, il faudrait que tu baisses un petit peu ton thermostat. Ouais, tu baisses ton thermostat. Une heure après, non, là, il faudrait que tu remontes ton thermostat. C'est honnêtement, Catherine, je te le jure, c'est difficile à suivre. Ouais, ah, mais j'en doute pas que c'est difficile à suivre, mais vous avez l'air de penser que ça va juste d'un bord, que c'est dans le sens... Non. C'est juste ça l'affaire. Les filles aussi ont de la difficulté à se retrouver là-dedans. Et en plus, là... Pour les hommes de notre génération qui avons connu des femmes un peu plus plus romantiques, plus soumises ou un peu plus douces, avant c'était ça. Puis là, on voit votre côté, bon, au lit, tu sens un peu plus rough. Imagine-toi, là, moi, quand j'étais jeune, là, le principal reproche que les femmes faisaient aux hommes, c'est qu'on était trop vite, on prenait pas assez notre temps, on n'était pas assez doux. Hein, vous savez, vous autres, les gars, c'est bing-bang, prenez pas le temps de nous flatter, puis nous faire ci, puis ça, etc. Ça, on s'entend dans les histoires d'éducation sexuelle ou autre, c'est ce qu'ils disaient aux gars. Okay? Hey, les gars, attention, là. Le fameux mot. Les préliminaires, les gars, sautez pas là-dessus. Si vous voulez que la fille a trip, prenez votre temps. Là, je vous jure, aujourd'hui, c'est quasiment inversé. C'est attache-moi, frappe-moi, baise-moi, go, bing, bang. Ben ouais, t'as peu, là. Et les préliminaires, c'est plus bon, là. Ça a changé. Les filles, vous avez changé. Ben là, regarde, moi, ça fait pas... Je sais pas pourquoi. Je suis pas nécessairement sur le marché, là. Fait que je peux pas dire comment ça s'est passé les dernières années. Comment ça a évolué. Tu rentres en studio avec tes menottes, là. Ça fait que... Et puis mon fouet, puis mon kit de cuir, hein. Hey, je suis attaché, moi. Je savais pas. Mais tu sais, regarde, ce que tu décris là, Sylvain, assurément, tu t'es plus au courant que moi là-dessus. Fait que je suis même pas en mesure de t'ostiner, OK? Mais ça, c'est normal en passant. Vous allez être heureuse lorsque vous allez comprendre que la femme... Ah, je peux pas dire ça. Caroline, je peux pas dire ça. Je m'arrête. Hey, c'est rare que je m'arrête, mais je m'arrête. Mais non, je peux pas, Jean! Parce que j'allais dire qu'il y a une... Vas-y, vas-y, assume-le. Ben, on a le temps. C'est ton show, c'est toi qui gère. C'est normal que vous ayez... Puis, je comprends ça, puis c'est pas... Tu sais ce que tu me dis, puis les histoires de nuances, de Grey, puis tout, puis le vrai mâle, puis un vrai... Vous avez besoin de ça. Je suis d'accord avec ça. Mais le féminisme... vous a transformé en espèce de femme dominante, Amazon, pis tout, pis vous êtes pas heureuse là-dedans. Mais ça, Sylvain, je vais te donner tellement! Fait que votre sexualité est affectée, vous avez une soumission sexuelle qui reflète votre manque d'égalité ailleurs. Parce que je veux pas dire soumission. Non, attends un peu, ok? Là, ce que tu viens de lire, là, de dire, le féminisme nous a transformé et vous a transformé également. Okay? Exact, je te suis. Pis nous, les filles de mon âge, là, ben, je suis pas sûre qu'on se retrouve à 100% dans le féminisme actuel. Tu comprends-tu? Ouais. Parce qu'il y a ben des filles qui voudraient faire le choix de rester à la maison puis de s'occuper de leurs enfants à temps plein. Tu sais-tu quoi? Elles sont jugées par les autres filles. Exact. Oui. Tu sais, tu comprends? Oui. C'est ça, là. Là, tu vas laisser ton mari ramasser tout l'argent, puis si jamais il te crisse là, puis que là, toi, t'as rien d'autre, puis tu vas être retiré du marché du travail, fait que c'est sûr que toi, tu vas toujours gagner le plus petit salaire. Les filles ne se retrouvent pas nécessairement dans la conception de ce que devrait être le féminisme, parce que c'est c'est pas toujours proche de notre réalité, de ce qu'on veut. Vos pères, eux autres, étaient souvent loin de la maison, puis ils sont pas nécessairement impliqués beaucoup, puis ils ont pas nécessairement été proches de leurs enfants. Ils ont peut-être pas trippé là-dessus non plus. Ils auraient peut-être aimé ça, eux autres, pouvoir être plus impliqués, plus proches. Ça prendrait un genre de retour du balancier. Il faut se laisser totalement, là-dessus. Totalement, puis je pense que c'est réclamé de toutes parts. Ouais, et je pense que la sexualité féminine d'aujourd'hui est peut-être le reflet d'une certaine frustration dans le reste de la société. Mais pourquoi pas une frustration, mais un manque. Frustré? Ouais, ben là, la prochaine, toi, tu peux, là. Marc, salut! Parce que là, on a besoin d'une heure! Mais on a besoin au moins d'une heure pour faire le tour de tout ça. On continuera demain. Voyons-la. Écrivez-nous si vous avez besoin. Prévoyons-la, oui. Oui, 8h53. Marc Boilard, présenté par Plancher.